neuf, docteur? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Bistro La Pinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. Vous étiez à l'écoute de la Bistro La Pinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la Bistro La Pinothèque, c'est les derniers mercredis de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons! Bonsoir et bienvenue sur Radio Air Libre 87.7 pour l'émission de la Distro La Pinothèque. C'est la dernière de cette année 2021 et pour l'occasion, et plus si affinité, j'ai demandé à Oui de nous présenter quelque chose, ce qu'elle a accepté. Pour le programme, je vous parlerai d'un manuel qui vient de sortir à propos de la contraception thermique dite masculine. Ce manuel s'appelle « S'occuper de son sperme et être contracepté ». Il est édité aux éditions Leslie Barr en novembre 2021. C'est donc tout nouveau, tout chaud. Ensuite, Titi nous présentera un de ses super polars de Thierry Jonquet qui s'appelle « Le bal des débris ». Il est édité chez Point en 2010. En deuxième partie de sa présentation, il en profitera pour parler de la gazette de la digue du canal. Mais pour commencer, je suis heureuse d'accueillir Oui qui nous a rejoint pour nous parler d'une brochure sortie en mai 2020 et qui s'appelle « To find cracks, to stare down, to keep on and to provoke ». Il s'agit de la retranscription d'une interview de Asbo par le groupe Anarchist Black Cross de Londres. Vous pouvez retrouver ce document sur le site writtenfire.noblogs.org ainsi qu'au local Le Zottemorgen au 32 rue de la Grande Île à 1000 Bruxelles. Alors la présentation de Oui sera soutenue par les morceaux de musique Sister Witch et Prison Song de l'album The New Haven Women's Liberation Rock Band. Bonne soirée. When I look at my sister's face, what is it that I see? I see a strength that I've never seen. And when I feel my sister's embrace, there's all the space and the love that I need. And it's strange, we didn't know, we didn't realize about each other's lives. Oh, forgot. forgotten woman, forgotten woman. Il y a quelques semaines, on a été à la foire du livre anarchiste à Amsterdam et on a rencontré des compagnons de Londres. Et quelqu'un m'a donné une brochure qui s'appelle « To find cracks, to stare down, to keep on and to provoke » qui a une interview avec Asbo, édité par Londres, le Anarchist Black Cross de Londres, en mai 2020. Et Asbo, c'est pas l'acronyme d'une personne, mais ça veut dire « Antisocial Behavior Order ». Et donc, c'est un ordre qui est un label qui est donné à quelqu'un qui présente, soi-disant, un comportement antisocial. Et donc, il y a énormément de détenus qui ont reçu ce label. Alors, quand une personne te donne une brochure et te dit « Viens, lis ça et dis-moi ce que t'en penses », bah, c'est tout de suite une autre approche à la lecture. Et donc, voilà, je l'ai lu et je partage avec vous ce que j'en ai pensé. Donc, d'abord, on voit une image pour la brochure qui est une scène d'insurrection dans une prison en 2016 où on voit deux prisonniers, prisonnières qui sont masqués et où tout autour d'eux est complètement détruit. Alors ça pose déjà un peu le cadre dans lequel on va parler. Et donc Asbo revient sur deux textes qu'elle a écrits. Un texte qui s'appelle Bang Up and Smash, Women's Prison, Bail, Hostels and Probation. Un texte qu'elle a écrit suite à son expérience dans une prison. Et puis un texte aussi auquel elle a participé qui s'appelle The Road to Hell is Paved with Good Intentions, COVID-19, Corbyn and the Crisis, entre guillemets, le mot crise. Alors, donc elle commence en fait l'interview par parler d'une vulnérabilité et par dire que c'est la première fois qu'elle fait une interview ainsi et qu'elle sort un peu de sa zone de confort. Et je trouve ça super beau quand les personnes y sont capables de nommer des vulnérabilités et de parler d'une place d'être humble. Pas beaucoup de gens arrivent à faire ça, donc je trouve ça super inspirant. Mais donc du coup, elle aborde plusieurs questions et je vais juste faire une petite sélection ici. Donc déjà, la brochure, c'est en anglais et donc ça n'a pas été traduit en français jusqu'à présent. Mais donc je vais vous en parler un peu en français, dans la langue française. Donc elle parle par exemple des techniques de contrôle qui sont mises en œuvre pour la première fois au sein de la prison et qui après sont appliquées à toute la population. Et elle fait le lien entre ces techniques de contrôle à l'intérieur des prisons et les mesures d'urgence qu'on a connues, qu'on connaît aujourd'hui au sein de la pandémie. Et donc elle dit aussi que beaucoup de techniques de contrôle sont en fait raffinées derrière les barreaux et que c'est super important que les personnes continuent à critiquer ce genre de mesures de contrôle et aussi de comprendre dans quel contexte ils ont été pensés et raffinés. Et elle dit qu'on nous dit en permanence de rester sain, stay safe, de prendre nos responsabilités, do our duty. Ou qu'encore nous sommes tous dans le même bateau, we're all in this together, et qu'elle a l'impression que récemment les gens ils se noient dans une marée toxique de données, buvant avidement les infos que nous nourrit le gouvernement, oubliant que le concept de santé est tout aussi politique que la prison. Et un peu plus loin, elle dit que c'est un nouveau phénomène pour beaucoup de gens, mais chacune qui a passé du temps au sein du système carcéral et de ses infrastructures liées sait que ce sont les psychologues qui exercent le pouvoir ultime. Elle aborde également la question de l'amour et les relations intimes en prison et elle aborde la large gamme d'outils pour surveiller, pour gérer tout ce qui va dans ce sens. Elle fait le lien avec les mesures de distanciation mises en place aujourd'hui, où elle dit notamment le toucher est devenu un acte criminel à éviter coûte que coûte. Elle va parler aussi de la question de l'abolition de la prison. Et là, de nouveau, elle montre une vulnérabilité où elle dit avoir peur d'approfondir cette question par peur de critique, mais en même temps qu'elle ressent le besoin de vraiment le creuser et qu'elle est heureuse de pouvoir le faire. Et elle avance l'argument en fait que le concept de l'abolition est lié au langage de l'État et est à situer dans le temps de l'esclavage, où l'abolition a surtout permis aux esclaves d'être contraints et contraintes à continuer à travailler pour payer une variété de dettes supposées. Et donc à un moment, elle va dire « Don't get me wrong, je pense qu'il y ait de l'espace et un réel besoin d'une diversité de tactiques et une multitude d'approches pour attaquer le système carcéral. Mais là où l'abolitionnisme parle de trousse à outils, je veux un arsenal. L'annihilation brute et désordonnée du régime carcéral, pas une discussion sur les droits et la justice. » Et les mots « droit » et « injustice » mis entre guillemets. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment important d'aborder ces sujets et ça m'a vachement inspirée de lire les passages autour de cette question-là. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir en parler, qu'on va aussi pouvoir avancer nos propres idées autour de ces questions-là et pas seulement reprendre ce que d'autres personnes en disent ou les besoins que d'autres personnes ressentent. Et elle termine avec une citation de Roddy Doyle, qui est un écrivain qui vit en Irlande. Elle dit « On ne peut pas gagner, et gagner n'est pas notre intention. On fait ce qu'on a à faire, tout ce qu'on peut faire, c'est persévérer jusqu'à ce que ça leur devienne insupportable, et provoquer jusqu'à ce qu'ils deviennent fous. » Ça ouvre pour moi une piste à réflexion intéressante, ou pour un peu questionner quelles sont nos perspectives de lutte. C'est une discussion qu'on a eue récemment autour de lutte passée et à quel moment est-ce qu'on parle de... À quel moment est-ce qu'on a l'impression d'avoir gagné ou d'avoir perdu. Voilà, donc ça propose une perspective, une nouvelle piste de réflexion autour de ça. Donc merci de m'avoir écoutée. Ce soir, je suis donc heureuse de vous présenter un manuel à vocation non commerciale qui vient de sortir et qui est à propos de la contraception thermique dite masculine. Alors ce manuel s'appelle « S'occuper de son sperme et être contracepté ». Il est édité aux éditions de Leslie Barr en novembre 2021 et c'est donc tout chaud. Le livre commence par une dédicace des plus poétiques. À la mémoire de nos spermatozoïdes disparus, sous la chaleur de nos élastiques. D'autres viendront pour celles et ceux qui en éprouveraient le désir. Alors l'idée de Leslie était de faire un petit livre facile d'accès, pas cher, à diffusion large, afin de rendre disponible un maximum d'informations fiables et de conseils pratiques à propos de cette technique. Alors elle aime le présenter comme le bouquin sur lequel j'aurais aimé tomber quand je cherchais des infos. Elle pose la question de la contraception par rapport à la prise en charge. Est-ce que ça doit toujours être les mêmes personnes qui prennent en charge la question? Est-ce que la question de la responsabilisation dans le partage des risques et des plaisirs liés aux sexualités est l'affaire seulement d'une personne ou de toutes et tous? Voilà, c'est donc depuis ces questionnements que Leslie nous emmène vers la technique de la contraception thermique. C'est une technique apparemment simple et réversible, où un anneau bien placé suffit à maintenir les testicules bien au chaud, en vue de bloquer la production des spermatozoïdes et d'ainsi de maîtriser sa fertilité. La lecture de ce guide, regroupant protocoles, témoignages, manuels de couture, apporte beaucoup de réponses aux questions sur le sujet. Alors peut-être, j'espère, qu'il vous aidera à vous y mettre. Penchons-nous maintenant sur l'appellation contraception testiculaire. Alors, contrairement à la contraception masculine, elle permet de s'adresser également aux femmes trans à couilles et à d'autres personnes aux réalités vécues insoupçonnées qui pourraient avoir envie ou besoin de se contracepter via cette méthode. Dans le livre, vous trouverez de manière indifférenciée l'appellation méthode thermique, roman de couilles toulousain. Alors, des fois, elle utilise l'abréviation RCT, roman de couilles toulousain, ou bien slip ou dispositif. Alors, moi, la question que je me pose, c'est que Leslie étant un nom de fille et que moi, j'en suis une, est-ce que j'arriverai à convaincre les personnes à couilles? Parce que, comme vous l'écouterez plus loin dans un témoignage de garçon, beaucoup de filles veulent que leur gars s'y mette, mais ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il faut que ça vienne de vous. C'est donc à vous que je m'adresse maintenant en reprenant beaucoup les mots de Leslie parce qu'elle parle bien. Il semblerait qu'il soit pas trop tard pour vous approprier cette technique. Non seulement pour avoir plus de choix, mais également pour réaliser enfin que vous avez une responsabilité dans le fait d'avoir des relations sexuelles qui peuvent déboucher sur une grossesse. Alors oui, vous le saviez déjà, mais est-ce que vous le réalisiez vraiment? Est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir un ou une mini-vous qui se promène dans les villes ou les campagnes en quête de son passé? En quête de votre passé. Donc, si vous et votre compagne ne voulez pas d'enfants, jamais ou pas maintenant, Leslie vous invite à vous prendre en main, comme on dit, sur la question et de ne pas toujours vous reposer sur vos partenaires en leur déléguant les aspects relous, tant psychologiquement que financièrement. Alors, dans ce livre, vous trouverez une explication pas à pas de la méthode, des témoignages d'utilisateurs, des contacts de groupe. Pour les groupes de Bruxelles, d'ailleurs, vous allez pouvoir contacter Leslie parce que il n'y en a pas dans le manuel pour l'instant. Donc, je vous invite à contacter Leslie à l'adresse leslie-bar@riseup.net. Alors, bar, c'est B-H-A-R-R. AR. Alors maintenant, je vous propose un petit rappel historique. L'arrivée de la contraception testiculaire dans les années 70-80 n'a pas toujours été bien accueillie. En tout cas, n'a pas toujours été accueillie comme la bonne idée qu'elle aurait voulu être. Elle fut l'objet de débats au sein du mouvement féministe, mouvement dont Leslie d'ailleurs partage à minima la critique du patriarcat et la nécessité de s'en débarrasser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que certaines y voyaient le risque d'une prise de contrôle par les hommes du champ de la contraception qui venait tout juste de permettre aux femmes de décider si et quand elles désiraient mettre un enfant au monde. Alors la question de la confiance a aussi été soulevée à ce moment-là. Elle a été soulevée à travers la critique déduisant qu'il allait falloir déléguer ce terrain aux hommes, là où atteindre plus d'autonomie était déjà un combat au quotidien. Donc ça a posé pas mal de questions. Mais dans ces années-là, il y a un réseau qui s'est formé, dans plusieurs villes, et entre autres à Paris, il y a eu un groupe qui a expérimenté une méthode hormonale fonctionnelle sur les hommes. Et il y a aussi eu un groupe à Toulouse, le groupe GARCOM, qui participait au même réseau. Alors il participait au même réseau, mais lui, il s'est préoccupé de ne pas dépendre ou engraisser l'industrie pharmaceutique, parce qu'il prenait en compte les critiques déjà portées à la contraception hormonale par les femmes de l'époque. Et à force de réflexion et d'expérimentation, ils ont inventé un slip contraceptif facilement reproductible qui permettait à tout un chacun de gérer sa propre fertilité. Bon, alors il fallait encore lui donner un nom et c'est ainsi que naquit le roman de couilles toulousain. Alors maintenant, je vais insister sur quelques petites explications biologiques. Pour que la reproduction de spermatozoïdes soit possible, il faut que les testicules se trouvent à une température plus basse que celle du reste du corps. En fait, leur localisation dans les bourses est un peu à l'extérieur. Et donc, ça permet aux spermatozoïdes de se trouver à une température de 34 degrés. Alors qu'en moyenne, dans le corps, on est à 36,5. Donc, en remontant les testicules dans la partie basse de l'abdomen, c'est-à-dire à l'entrée des canaux inguinaux, alors vous trouverez où c'est quand vous lirez le manuel de Leslie. En fait, en remontant donc les couilles à cet endroit-là, on parvient à augmenter la température des testicules d'à peu près 2 degrés, ce qui empêche la spermatogénèse, donc la création des spermatozoïdes. Et donc le roman de couilles toulousain a été inventé pour ça, pour maintenir les couilles au bon endroit et les garder ainsi bien au chaud afin d'obtenir un effet contraceptif. Alors je vous propose d'écouter maintenant un témoignage que j'ai trouvé sur le blog Bretonne, Breton et Féministe. Les membres de ce collectif s'entretiennent avec un autre collectif qui s'appelle le collectif Thomas Boulou et qui est un collectif de garçons contre le collectif des hommes. Il s'est défini comme un petit groupe de garçons basé dans le Finistère qui travaille sur la contraception testiculaire et la responsabilité masculine. On n'a aucune éducation, aucun rapport à notre propre fertilité. À aucun moment on nous dit, à partir du moment où on a nos premières éjaculations, parce que ça arrive au début de l'adolescence, personne ne nous dit, ça y est, t'as tes premières éjaculations, donc t'es fertile, donc tu vas devoir gérer ta fertilité. Par contre, les femmes, avant même qu'elles aient leurs premières règles, on leur dit clairement ce qu'elles risquent, quoi. Après, il y a une dissymétrie qui est claire quant au risque de porter un enfant, parce que nous, on n'a pas ça. Selon toi, c'est lié à quoi ? Les femmes, elles sont fertiles quelques jours par mois et ouais. Les hommes sont fertiles toute l'année, tous les jours, toute l'année. Comment ça se fait qu'on ait mis cette charge-là sur les femmes ? On est dans une société patriarcale, quoi, donc c'est des choses qui se sont installées, paraissent normales maintenant, les garçons s'en occupent pas, quoi. Pourtant, on sait depuis longtemps les effets de la chaleur sur la fertilité des hommes. Mais il n'y a pas de volonté à ce que les garçons prennent en charge de manière plus importante leur responsabilité. C'est la somme des habitudes depuis des années, des années, des années, quoi. Il y a tout un passif là-dessus, quoi. Ça met du temps, quoi, à faire changer ces habitudes-là. Je pense qu'il y a vraiment un truc par rapport à ce trou noir, là, ce no man's land, il n'y a rien, quoi. Donc on part de zéro. On leur dit c'est possible, alors que jamais on leur avait dit que c'était possible. Donc là, t'as des gars qui prennent ça sérieusement et qui ont envie de s'investir, clairement. La vasectomie, en France, c'est 1% des hommes. Moins que ça, un peu moins d'1%. Et alors que dans d'autres pays européens, c'est beaucoup plus, entre 20, 40, 50%. Ouais, absolument. C'est des questions de politique publique, quoi. En Angleterre, les médecins, ils sont amenés à parler systématiquement de toutes les méthodes qui existent, en fait. En France, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, quand tu veux te contracepter, tu es une femme, tu es obligé de passer chez un gynécologue. Et c'est souvent eux qui vont décider de ce que tu vas prendre. Tu as une infantilisation qui est assez importante. Alors après, je ne positionne pas en porte-à-faux vis-à-vis du milieu médical, parce que c'est important d'avoir un suivi, mais on est vachement dans l'infantilisation des gens, quoi. Ce vieux réflexe d'ingérence de la part des médecins, en disant « mais oui, mais vous êtes sûr, on ne sait jamais, vous changez d'avis ». Non, mais ça ne vous regarde pas, en fait, c'est pas votre corps. Faites votre taf, en fait, quoi. Et puis après, si la personne la regrette, mais c'est son affaire. Et en plus, c'est quand même un délai assez long entre le premier rendez-vous, entre le premier rendez-vous et l'opération. Oui, oui. Donc il y a le temps de réfléchir, de s'informer. Et quand on veut le faire, c'est qu'en général, on y a bien réfléchi, quoi. Comme ce n'est pas dit. Donc ça se fait de plus en plus quand même. Les hommes n'ont pas trop recours à ça, quoi. Et puis aussi le vieux fantasme de la castration. Et ça, c'est très présent encore, quoi. Alors qu'en fait, ça altère en rien ta libido, ni tes éjaculations, parce que tu continues à produire du sperme de toute façon. C'est juste que t'as plus de spermatozoïdes dans ton sperme, quoi. Et c'est des petites choses qui sont importantes à dire, à répéter. Toi, tu utilises un de ces contraceptions ? Ouais, le jockstrap. J'ai commencé à porter, j'étais pas en couple à ce moment-là. J'avais des partenaires, mais je continue à me protéger parce que ça dispense pas du tout de se protéger. Et au bout de 3 mois, en fait, tu fais un spermogramme avant de commencer. Après, tu commences à le porter, donc avec sur tes 15 heures par jour. Et au bout de 3 mois, tu fais un deuxième spermogramme qui te permet de voir où t'en es. Et si t'es en dessous du million par millilitre de sperme, t'es considéré comme contracepté. Moi, ça a été efficace dès les 3 premiers mois, quoi. Après, il y a des garçons, ça peut prendre 1 an et demi... J'ai commencé, je l'ai fait pour moi, je voulais prendre la responsabilité de ma fertilité, quoi. Et du coup, quand on a commencé à se côtoyer, j'étais déjà dans cette démarche-là. Mais on se protégeait, on utilisait des préservatifs, quoi. Et aujourd'hui, elle n'avait pas de contraception à ce moment-là. Et elle ne souhaitait pas en prendre. Et en fait, c'était tout à fait OK, quoi. C'est très confortable, en fait, parce que tu n'as pas besoin de te prendre la tête de savoir si tu as pris la pilule ou pas, d'enfiler un préservatif, de... Est-ce qu'avec l'entourage proche homme, tu en parles de ça ? Bah oui, moi j'en parle pas mal. Bah souvent, c'est un des trucs que je dis. Parce que ça questionne vachement les gens, quoi. Et ils sont plutôt réceptifs. Enfin, j'ai plusieurs copains qui ont commencé à essayer. Les premières réactions, c'est quoi ? L'étonnement. Souvent, ça fait rigoler, clairement. Tu vois, parce que tu parles de testicules, alors tout de suite, t'as les blagues qui arrivent. Mais en plus, à travers tout l'imaginaire collectif et puis de notre culture, c'est les testicules, c'est un truc. Il faut pas y toucher. On touche à la virilité. Alors que si c'était que ça, ça serait quand même bon. Est-ce qu'ils s'imaginent quelque chose qui est pas la réalité aussi ? Ouais, c'est pour ça qu'il faut en parler, quoi. Du coup, assez rapidement, je viens de déconstruire toutes leurs représentations et leurs préjugés par rapport à ça. Mais de manière super facile, parce que je leur parle de ma propre expérience, quoi. Ça a été un peu mais quelque chose de très heureux, quoi. Enfin, à partir du moment où j'ai commencé à le faire et que ça a fonctionné, j'étais hyper content, quoi. Parce que les résistances face à cette contraception pour les hommes, elles sont pas uniquement le fait des hommes, elles peuvent aussi être le fait des femmes. C'est des questions qu'on entend, ouais, clairement. Après, c'est arrivé une fois où quelqu'un était vraiment dans un positionnement de méfiance très importante, quoi. En mode, on peut pas faire confiance aux hommes là-dessus. Ce que je trouve dommage, parce que du coup, ça maintient les gars dans un état d'infantilisation vachement importante, quoi. Si vous êtes pas capable, vous pouvez pas le faire, ça risque pas de faire trop changer les choses, quoi. Après, je comprends aussi, c'est quelque chose que je reçois tout à fait, que ça puisse être un peu effrayant, mais ça nécessite de se débarrasser aussi de certaines représentations. Est-ce que toi, tu constates aussi que du coup, il y a beaucoup de femmes qui viennent pour en faire, pour que leur partenaire vienne à s'interroger là-dessus aussi ? Ouais, absolument. Le plus souvent, c'est les nanas qui sont sensibles à ça, quoi. Quand elles entendent parler d'une alternative à la prise de pilule ou du stérilet ou autre, tout de suite, ça fait tilt, quoi. Elles sont là genre « Ah ouais, mais moi, ça m'intéresse vachement. Est-ce que je galère avec quel truc ?» Après, on sait bien que quand c'est l'initiative ne part que des femmes, ça aboutit pas. il faut que les garçons prennent clairement. Parce que c'est déjà arrivé que des personnes nous contactent, des femmes, en disant qu'elles aimeraient bien que leur partenaire soit contracepté, quoi, ou essaye un truc, et ça va pas, quoi. Et tu peux pas mettre la pression là-dessus, même si je peux comprendre aussi que t'en as ras-le-bol après des années de galère. Attention, nous allons préciser quelques points qui sont déjà soulevés dans le témoignage. Il faut donc porter le slip 15 heures par jour pour que cette méthode soit efficace. C'est seulement au bout de 3 mois qu'on peut savoir si on est bien passé sous le seuil de fertilité. Donc ça va se faire grâce à une analyse de sperme appelée spermogramme. Et s'il y a moins de 1 million de spermatozoïdes mobiles par millilitre dans l'éjaculat, alors vous pouvez vous estimer stérile tant que vous portez bien le slip de manière régulière et selon le protocole expliqué dans ce manuel. Avant de commencer à porter le remonte-couille de manière régulière, en fait, il est important d'aller faire un premier spermogramme. Alors déjà, c'est pour savoir si tu es fertile ou pas, parce que ça peut t'éviter de porter le slip pour la gloire, si jamais t'es déjà stérile. Donc ça, c'est un premier résultat qui va servir à ça, mais qui va aussi servir de référent pour jauger l'évolution de ta contraception dans le futur. Alors au bout de 3 mois, tu pourras aller faire un deuxième spermogramme et vérifier si t'es contracepté. Pour le moment, la question de la réversibilité a été prouvé sur une période de port du slip qui va jusqu'à 4 ans. Donc ça ne veut pas dire qu'après ça ne marche pas, mais ça veut juste dire qu'on ne sait pas, que ça n'a pas été testé, et que donc on va dire que c'est 4 ans, puisque ça c'est connu. Pour retrouver la fertilité, il suffit donc d'arrêter de porter le slip, d'attendre que la spermatogenèse se remette en route, et a priori il faut plus ou moins de 3 à 9 mois pour atteindre des propriétés de sperme à nouveau fécondantes. Alors on peut noter aussi que porter le slip 24 heures sur 24 tous les jours pourrait avoir un impact négatif sur la réversibilité. En fait, s'il y a une recommandation de 15 heures éveillées par jour, c'est parce qu'elle a été pensée comme un compromis suffisant pour obtenir un effet contraceptif, mais aussi ça vise à minimiser ce qui reste quand même une contrainte exercée sur l'organisme. Il est également recommandé que l'organe sexuel ait atteint son développement optimal. Et donc, avant de mettre en place une contraception thermique, par souci de précaution, la limite d'âge a été fixée à 20 ans. Alors, dans ce livre, vous trouverez aussi des témoignages de slip, un ensemble de questions-réponses sur le confort du slip, sur les mauvaises utilisations. Vous trouverez un cours de couture qui est très bien illustré. D'ailleurs, il y a plein de petites illustrations dans le livre qui sont assez rigolotes. Vous trouverez également une liste de contacts pour accompagner votre démarche contraceptive et qui assure en général, ces contacts assurent aussi des ateliers de couture dans leur région. Alors par exemple, vous avez à Paris Ardecom, alors l'adresse est ardecom@bbox.fr. Vous avez Garcon à Toulouse, le contact c'est contact@garcon.link avec un K. Et vous avez un autre contact qui est le collectif Thomas Boulou, dont on a entendu un témoignage. Alors, le collectif se trouve à Quimper et l'adresse, c'est Thomas Boulou et compagnie, donc E-T-C-I-E, à la fin de Thomas Boulou, @riseup.net. Alors, pour t'aiguiller vers d'autres personnes contraceptées habitant plus près de chez toi, je te rappelle d'écrire à Leslie Barr, leslie-barr@riseup.net. Et pour commander un androswitch, tu peux contacter contact@theorem.fr. Alors pour clôturer cette présentation, je vous propose un petit défilé de slip remonte-couille toulousain accompagné du groupe The Idol et de son morceau The God That Failed. Le remonte-couille toulousain, collection 2021. Le classico, un caleçon classique avec un trou pour faire passer la verge et un élastique. Le jockstrap, ensemble de lanières au look plus bondage. L'excentrique, slip fabriqué à partir d'un soutien-gorge retourné. Et enfin, nous terminerons avec l'androswitch, un simple anneau glissé sur la verge. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Radio Air Libre, la distro Lapinothèque sur le 87.7 en fréquence modulée ou sur radioairlibre.net. On va s'écouter une petite plage musicale de circonstances proposée par ce très cher Dr Lichik. C'est une reprise de Ce salopard de Serge Gainsbourg, ça c'est moi qui rajoute, interprétée par Marie Reynaud et Xavier Le Gall avec le titre Les vaccinateurs des Lilas. Alors faites péter les seringues, c'est l'État qui régale, bon, avec vos impôts quand même. Allez, bonne picouse. Je suis le vaccinateur des Lilas, tu vas voir pour ton AstraZeneca. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, ce serait barbare. Mais si tu ne te vaccines pas, tu seras bon qu'à rester chez toi. Pourtant, on nous avait dit, on ne mange pas de ce pain-là dans notre pays. Mais n'allez pas croire qu'on se paye notre tête sur cette planète. Et me parlez pas d'effets secondaires où je vous remets une dose de Pfizer. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Dans des bras, je fais des trous, toujours des petits trous. Des trous pour un passe, pour un verre en terrasse. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le vaccinateur des Lilas. Viens me voir si tu veux retourner au cinéma. Je fais des shoots toute la journée, drôle de camé. Et si tu joues les gros bras, je vais t'en coller du Moderna pour que tu puisses partir en voyage et prendre des bains de foule sur la plage. Et si tu passes à l'hôpital, drôle de scandale, va pas dire qu'on te fait du chantage, mais c'est la picouse ou le chômage. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Un trou pour un code, y aurait pas d'autre méthode. Alors viens de faire un trou, un joli petit trou. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le vaccinateur des Lilas. Vous préférez le bras gauche ou bien le bras droit? J'attends avec impatience prendre des vacances. Mais pour partir aux Caraïbes, il y a une de ces queues sur Doctolib. Mais avec tout mon fric, je t'assure qu'un jour je m'évaderai dans la nature. Quand j'en aurai ma claque de cette arnaque. Je pourrai jouer les filles de l'air, je laisserai ma blouse au vestiaire. Mais pour l'instant, je fais des trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Allez, fais pas le dingue si tu veux faire la bringue. Juste un trou, un petit trou, un joli petit trou. Un petit trou pour sortir de ton trou. Et après, promis, ce sera tout. Puis n'entendra plus parler de trou. Enfin, sauf pour le deuxième trou. Et puis peut-être un troisième trou. Tous les six mois, un petit trou, un petit trou, un petit trou, un petit trou. Polar Polaroid vous propose ce mois-ci un roman noir de Thierry Jonquet, Le bal des débris, édité chez Librio. Dans quelques secondes, on vous emmène gaiement dans un hôpital pour vioc dans une histoire abracadabrante de hold-up. Alors, serrez les dentiers, cramponnez-vous à votre siège roulant, sortez les fusils à eau, ça sent la grande casse du siècle avec Le bal des débris. Tout a commencé lorsque l'ambulance du SAMU a livré au service des urgences un accidenté de la voie publique répondant au nom de le pointre Alphonse. C'était il y a 3 mois. Je poussais mes chariots. Mon boulot, c'est de pousser des chariots. Depuis 4 ans que je travaille à l'hosto, j'ai dû faire des centaines de kilomètres avec mes chariots. Je suis un expert en chariots. De beaux chariots, avec 2 grosses roues à l'arrière et 2 petites à l'avant. Dossier en sky, frein à manette. C'est pas drôle de pousser des chariots 8 heures par jour. Des chariots vers le labo, des chariots vers la radio, des chariots vers les goguenots. Et sur mes chariots, il y a des vieux. Parce que l'hosto où je travaille est un hosto pour vieux. Quand un vieux se casse une jambe, quand il se fait renverser par un bus ou quand il avale pommeau de sa canne pour en finir, on l'emmène dans mon hosto pour qu'il crève. En fait, d'hôpital, ce serait plutôt la salle d'attente du cimetière. Depuis que je pousse mes chariots, jamais je n'ai vu quelqu'un sortir d'ici vivant. Sauf pour aller dans un autre hosto, ce qui n'est pas du jeu. Ou bien c'est une exception comme le pointre Alphonse. Les vieux arrivent en ambulance, à pied, à plat ventre, sur le dos de leur petit-neveu, et c'est parti. Direction la chambre des visites. Les rayons, la rééducation. Au bout du circuit, le cercueil. En face de la grande entrée, un magasin de pompes funèbres nous réjouit la vue de sa façade aguicheuse. Le croque-mort sourit à ses futurs clients lorsqu'il passe devant son échoppe. C'est un Auvergnat le beauf d'un type de l'hosto. Je suis affecté au service des rééducations. Mon port d'attache en quelque sorte. N'allez pas croire ça, il ne s'agit pas de coller les vieux dans un lit et d'attendre qu'ils claquent. Ah non non, avant, il faut qu'on les opère, qu'on les irradie, qu'on essaye sur eux les nouveaux médicaments et surtout qu'on les rééduque. Manquerait plus qu'à 90 ans, ils marchent de travers. Marchez droit, bouffez droit, crevez droit et que ça saute. 1, 2. Le service de rééducation, c'est du moderne. Il y a des cages avec des poulies, des sacs de sable, des haltères et des poids. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne doit plus porter des poids. Notre service de pointe dispose également de baignoires et de douches, ce qu'en langage scientifique, les médecins appellent hydrothérapie. Et encore, des cannes, des béquilles, des vélos. Si vous continuez de boiter, c'est que vous y mettez de la mauvaise volonté. Mon boulot, c'est d'aller dans les étages et de virer les vieux de leur lit douillet, de les hisser sur mes chariots et de les expédier au rez-de-chaussée dans les bras des kinés, dans les gros bras pleins de poils des kinés. Et les kinés les rectifient. T'as le col du fémur en cale sèche. T'habille pas, grand-père. En deux coups de gros, je te masse, je te secoue, je t'articule, hop. À raison d'un vieux par demi-heure et par kiné, ça carbure mes chariots. Voilà ma vie, me lever tôt le matin, traverser la banlieue riante sur ma mobylette pour pointer à 7h30. Je suis le premier arrivé, avec mon copain Bouddha, on passe un coup de balai rapide, à 8h la ronde infernale peut commencer. Et voilà un extrait du bal des débris de Thierry Jonquet. On s'écoute Sort Sol, un groupe danois. Il a été formé en 77 et la signification de Sort Sol se traduit comme soleil noir. Au Danemark, ça fait référence au phénomène naturel où d'énormes bandes d'oiseaux se rassemblent dans le ciel et semblent bloquer le soleil. On s'écoute donc Sort Sol avec une reprise du fameux groupe Suicide avec l'hypnotique titre Ghost Rider. We'll be right back. suit la présentation du roman noir Le bal des débris de Thierry Jonquet. Alors, ça raconte quoi ? Fredo pousse des chariots dans un hôpital gériatrique de la banlieue parisienne. C'est peu dire qu'il aimerait refaire sa vie ailleurs. Ouais, c'est plus qu'évident, le mouroir à vieux, c'est sans perspective. Donc l'occasion se présente avec un des patients qui a encore toute sa tête, qui est juste là pour une revalidation temporaire. Un certain le pointre Alphonse, artisan à la retraite et ancien gangster. Il a de la suite dans les idées, ce gaillard. Surtout lorsqu'il s'aperçoit que la chambre de l'une des pensionnaires est gardée par des vigiles privés. C'est donc qu'elle a quelque chose à protéger et que le poindre et Fredo ont quelque chose à y voler. Le bal organisé pour les séniles de l'hôpital pourrait être l'occasion de faire main basse sur ce butin. À moins que... Thierry Jonquet, l'auteur, nous embarque dans ce milieu hospitalier qu'il connaît très bien pour y avoir travaillé comme ergothérapeute dans le service gériatrie durant un paquet de temps. Imaginatif, amusant et empathique, en même temps que sombre, cynique et piquant, ce roman fait le choix de rire afin de ne pas pleurer sur le triste sort des charniers à vioc. Cette charge joyeuse contre un système hospitalier qui, entre nous, ne semble pas avoir changé en presque 40 ans. Et quand on dit « ne pas avoir changé », on fait référence à sa manière de s'occuper des vieux. Jonquet nous donne l'occasion de rire tout en éveillant le goût d'une futile révolte. Un rire pétillant face à ces parkinsoniens cul-de-jac atteints d'Alzheimer et d'un personnel hypocrite, cynique, qui en fait son gagne-pain. Devant le spectacle de la mort omniprésente, Thierry Jonquet écrit pour nous raconter la misère en milieu hospitalier. Dans le bal des débris, il rend aussi hommage à un pensionnaire avec lequel il s'était lié d'amitié. Allez, autant ne pas vous le cacher, ce n'est peut-être pas le polar du siècle, même s'il est très plaisant à lire. Et si j'ai une critique, et ce au-delà de la très chère personne de Thierry Jonquet, c'est que le polar français, en comparaison avec son homonyme américain, a souvent un goût de plus soft dans sa description. Je m'explique. Quand vous lisez un polar américain, ça pue la pisse. Les murs craquent sous les couches d'une réalité sociale désastreuse qui est dépeinte avec précision au scalpel. Les rapports sociaux vous frappent en pleine tête. Dans le polar français, il y a un peu de ça, mais le rendu est nettement moins conséquent. Mais bon, c'est une comparaison certainement hasardeuse. Ah, et pour quand même dire deux ou trois choses sur la vie de l'auteur. Donc, il était fils d'ouvrier, il a travaillé un temps en milieu hospitalier, mais ça vous l'aurez compris. Enfin, lassé de cet enfer, et que les choses soient claires, ce n'est pas sur les vieux que Thierry Jonquet tire au lance-flamme, mais sur la manière dont ils sont traités. Donc, Jonquet deviendra par la suite instructeur en banlieue parisienne. Tous ces métiers l'ont mis en contact avec les éclopés de la vie et lui ont permis de découvrir le monde des vieillards, oubliés, des handicapés, des délinquants, tableau complet de la défaillance de nos sociétés. Lorsque Thierry Jonquet découvre assez tardivement le roman de la série noire, il publie son premier roman, Mémoire en cage, en 82, puis un deuxième, Le bal des débris, en 84. Au total, il va écrire une quinzaine de polars et une série d'ouvrages de littérature section enfance et jeunesse, mais aussi des scénars pour des téléfilms et de la bande dessinée. Ah, et rappelons-le, c'est important, il a aussi écrit des romans noirs sous le pseudonyme de Raymond Mercader, dont notamment le fameux « Du passé, faisons table rase », et pour la petite histoire, Raymond Mercader n'est rien d'autre que l'assassin de Léon Trotsky engagé par Staline. Donc, roman où il critique de manière virulente le Parti communiste français des années 70. Thierry Jonquet a été impliqué un temps dans deux organisations trotskistes, dont Lutte ouvrière et la LCR. Il a aussi accompagné le réseau antifasciste Râle Front. Pour la petite histoire nécrologique, Thierry Jonquet a été victime d'une crise d'épilepsie. Il est décédé en 2009 à l'âge de 54 ans. On s'écoute tout de suite un extrait de Thierry Jonquet, son vivant, qui nous raconte une anecdote qui se passe dans son polar Les Orpailleurs. Alors, c'est l'histoire d'un type qui est en voiture dans un coin relativement désertique, bon, massif central, les villages sont très espacés les uns des autres, et il crève. Et un pneu qui éclate, et bon, il descend de sa voiture, et il ouvre le coffre, et là, pas de cric. Il se dit, merde. Et alors il part à pied jusqu'au village voisin, qui est quand même à 20 bornes, pour trouver un cric. C'est le soir, l'orage arrive, le type commence à se faire saucer, il y a des éclairs partout, la foudre qui tombe un peu plus loin, puis le type se dit, merde, on est le 14 août, je vais réveiller un garagiste, le temps que j'arrive, il va être super tard dans la nuit, le gars, le cric, il va me le faire payer un max. Et il marche comme ça sous la pluie, il dit, puis encore il va me demander, il est capable de me demander 1000 balles pour le cric. Il marche des kilomètres, la pluie. 2 heures plus tard, il est là, il dit, quel naïf, 2000 balles, mais c'est à sa place, je me massacrerai tout ça. Il va me faire payer 4000 balles son cric. Et il arrive enfin au village, à 4h du mat, il tape sur le rideau de fer du garagiste, ouvrez. Alors il y a un type qui arrive complètement hagard, qui l'a sorti du lit, il balance un grand coup de poing dans la gueule, il dit, tiens, pour 5000 balles, tu peux te le garder ton cric. Et sortez les vieilles consoles, on s'écoute Sick Doll et Nuclear Sheet, un groupe qui nous vient d'Allemagne avec le titre Baguette Noire. Continue la présentation du roman noir Le bal des débris de Thierry Jonquet. Bon, ça ne changera pas la face du monde, mais pour faire un peu d'histoire du polar en mode expresso, sachez que Thierry Jonquet arrive en bout de course dans ce qu'on a appelé la vague du néopolar. Pour faire court, d'abord, il y eut ce qu'on appelle le roman policier, avec entre autres des auteurs tels que Edgar Allan Poe ou Conan Doyle. Au niveau de la période, on se situe au 19e siècle. Ce roman qu'on appelle policier est caractérisé par l'énigme, où l'on suit patiemment la collecte d'indices qui nous feront découvrir le fameux coupable, avec une certaine fascination pour le procédé scientifico-policier, mettant en scène des criminels de moyen haut vol, tout comme des inspecteurs du même rang social. Ce qui est sûr, c'est que la morale bourgeoise y domine. On est bien souvent coupé des rapports sociaux réels et encore plus d'une critique sociale. Donc je viens de vous donner quelques éléments caractéristiques de ce qu'on appelle le roman policier. Dans la période de l'entre-deux-guerres, le roman policier subit une rupture et on voit naître le roman noir, avec entre autres la publication de feuilletons d'un certain Dashiell Hammett. Le style arbolète, qui veut dire « dur à cuire », dans des pulp magazines tels que Black Mask. Tout ça se produit dans un contexte très particulier aux États-Unis d'Amérique, dans les années 20-30, où il y a la prohibition de l'alcool, le développement du crime organisé, puis il y eut le crash boursier et la crise sociale de 1929, ainsi qu'une ambiance anticommuniste généralisée. Donc le roman noir, ou le polar, est loin du murder party bon chic bon genre. Le polar a un style dépouillé. Il se confronte à une réalité crue et agit comme une analyse sociologique dans un style très direct en parlant des problèmes sociaux, politiques en dehors de la morale dominante. En France, on fait de la traduction des polars américains. Mais ce qu'on a appelé le néopolar, c'est ce qui se produit dans l'après-mai 68, avec le bouleversement social des auteurs, je dis bien des auteurs parce qu'en termes d'autrice, après avoir bien cherché, j'ai rien trouvé. Mais ça, c'est surtout le résultat dû au machisme ambiant qui se répercute aussi dans un certain type de production littéraire. Donc, ils ont pris la plume, ils ont écrit des romans noirs. Allez, je vous donne quelques noms comme ça. Jean Amila, Léo Mallet, ADG, Jean-Patrick Manchette. Et comme je le disais, ce très cher Thierry Jonquet qui arrive en fin de vague. D'ailleurs, voilà ce que disait Thierry Jonquet sur ce genre littéraire. J'écris des romans noirs, des intrigues où la haine, le désespoir se taillent la part du lion et ne finissent plus de broyer de pauvres personnages auxquels je n'accorde aucune chance de salut. Chacun s'amuse comme il peut. Bon, c'est déjà fini, mais vous ne perdez rien pour attendre. Avec la tigresse de la série noire, on vous dégommera la cervelle avec nos histoires de polar, de néopolar, pour une littérature critique et accessible. C'était la présentation du polar de Thierry Jonquet, Le bal des débris, édité chez Librio. Et on en profite pour faire une spéciale dédicace à l'émission Queer Riot Girl, transpédéguine anarchiste, punk féministe, chronique mutante, que vous pouvez écouter tous les samedis à 18h sur Radio Panique avec un K sur le 105.4 FM ou sur radiopanique.org. Et on s'écoute l'éditron avec Nu Horizon. Облаці при зашепки, колекціон салфетки, вакви, мотуретки, роз'явлені подметки. Реклама фрика, конець призігла, грачка в турба, міста в куса. Облаці при зашепки, колекціон салфетки, вакви, мотуретки, роз'явлені подметки. Хвилина дума і стріта дума, хвилина дума і стріта дума, хвилина дума і стріта дума. Облиці призрашені кулекціон салфетки, влакні моторетки, роз'явлені подметки. Ламя фрика, конець призігла, грачка в турба, міста в куса. Ламя фрика, конець призігла, грачка в турба, міста в куса. fryka, koniec prezygła. Graczki w turbach, lista po wkusa. Kłami fryka, koniec prezygła. Graczki w turbach, lista po wkusa. Obrócy prezerszewki, kolekcją salfetki. Kłapki, które uwielbi z jadną z metki. Graczki w turbach, lista po wkusa. Kłami fryka, koniec prezygła. Graczki w turbach, lista po wkusa. Kłami fryka, koniec prezygła. Graczki w turbach, lista po wkusa. Kłami fryka, koniec prezygła. Graczki w turbach, lista po wkusa. Obóz i pryzaszewki, kolekcją salfetki. Płakną turetki, rozjadą i podmetki. D'une fabuleuse gazette de la digue du canal. C'est une gazette qui a été inventée par les occupantes et occupants d'un bâtiment qui se situe le long du canal de Bruxelles au pont Bistebroek à Anderlecht. Ce bâtiment est occupé depuis le 1er décembre. L'objectif de l'occupation est de dénoncer un méga projet immobilier qui amènera la gentrification dans ce quartier. Je vous en lis quelques pages. Nous sommes les occupantes de la digue du canal numéro 6. Un groupe rassemblant des personnes autour des questions de lutte pour le logement et contre la gentrification. L'occupation est pour nous une manière de visibiliser tout en bloquant physiquement la réalisation d'un projet imposé. On veut que cette gazette puisse être un espace d'expression pour les habitantes du quartier. Qu'elle donne les nouvelles de l'évolution du projet immobilier mais aussi les actualités croustillantes de cette occupation. Depuis 10 ans, le bassin de Bistebroek, qui part du pont de Kuregem, est la cible de spéculations immobilières féroces. Plusieurs promoteurs ont mis la main sur des terrains dans cette ancienne zone d'industrie d'Anderlecht pour y créer des Weatherfront, ensembles de logements haut de gamme bénéficiant de vues sur le canal. La région bruxelloise et la commune d'Anderlecht ont adapté et modifié les réglementations urbanistiques pour permettre ces différents projets. Mais au profit de qui ? Parmi ces différents projets figure A Rive, anciennement appelé Key West. Les promoteurs immobiliers PPI envisagent d'y construire 524 logements, en grande partie distribués sur deux tours de 62 et 84 mètres de haut, plus ou moins la moitié de la tour du Midi. Dans l'espoir d'intéresser non pas les habitants, qui en ont bien besoin, mais des investisseurs d'ailleurs. Oui, voilà, l'article continue, je vous invite à découvrir donc ce numéro 0 de la gazette La Digue, que vous pouvez trouver à la distro La Pinothèque, entre autres, mais également au numéro 6 rue de la Digue du Canal à Anderlecht. Il y a déjà un deuxième numéro qui est sorti, voilà. Et donc, c'est le genre de petite gazette tout à fait sympathique, auto-éditée par les occupants et les occupantes, avec la participation de quelques personnes du quartier. Et donc, voilà, ça a bien sa place dans notre distro, et on les soutient. Et si vous êtes intéressé par les occupations, les squats et la question du logement, je vous invite chaleureusement à écouter l'émission « À la cloche de bois ». Donc, « À la cloche de bois », c'est tous les deuxièmes mercredis de chaque mois à 20h30 sur Radio Air Libre, avec une rediffusion le deuxième vendredi de chaque mois, toujours sur Radio Air Libre, les troisièmes mardis de chaque mois à 10h sur Radio Campus, et le quatrième mercredi de chaque mois, toujours en rediffusion sur Radio Panique. Vous pouvez trouver tous les podcasts sur alaclochedebois.noblogs.org. On se fait une petite pause musicale avec Massacre 68, groupe punk mexicain, avec le titre Massacre 68. Todo el uniforme, todo un guante blanco. La guerra no limpia, estaban esperando. Cientos inocentes que eran su blanco. Los de octubre no lo olvidaré. Et nous voilà dans cette fin d'émission, mais avant de passer à l'agenda, je voulais remercier, et nous voulions remercier toute la distro de la Pinothèque Bini des Binamés pour soutenir l'émission en la diffusant sur son agenda, newsletter et autres. Je suis le vieux Père Noël, bienfaiteur de l'humanité. Contre sa bile, je m'insurge avec mon pote Saint-Nicolas. J'ai tout ce qu'il faut dans ma hotte, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien purger toute la clique des infâmeurs de l'univers. Son mal vient des capitalistes, plus ou moins grands à la ronger. En avant les gars anarchistes, fils de Marat, faut la purger. J'ai du pétrole et de l'essence pour baligeonner les chalons. Des tensions pour la circonstance à mettre en guise le flambeau. J'ai du picrate de potasse, du soufré du chlore en tonneau. Pour assainir partout où passent les empoisonneurs de cerveau. J'ai des pavés et de la poudre, de la dynamite à poison. Qui rivalisent avec la foule pour débarrouiller l'horizon. J'ai poudre verte et mes limites, tous les fameux produits mes enfants, pour nous débarrasser plus vite de ces mangeurs de pauvres gens. J'ai pour les gavés de la table, la bombe placée à servir, plus d'un ballon dirigeable par les doigts pour les rafraîchir. Voleuses et traîtres, bourgeoisies, prêtres et bandits, couronnés, il faut que d'Europe en Asie vous soyez tous assaisonnés. J'ai tout ce qu'il faut dans ma route, sans le tonnerre et les éclairs, on vient purger toute la clique des infâmeurs de l'univers. l'agenda pour le mois de janvier 2022. Il n'y aura pas de sortie au bunker, ce n'est que partie remise au mois prochain, donc ce sera encore au mois de février. Et par contre, il y a une sortie au Nova le 23 janvier, donc retenez bien la date du 23 janvier. Il y aura un spécial 25 ans du Nova et 30 ans de la revue de culture populaire Chéri Bibi. Donc ça, c'est au Nova le 23, avec plein de distros, dont notamment Attila Tradala, NGHE, la distro La Pinothèque, Arech avec Marc Or, et plein d'autres choses, plein de surprises, dont DJ Daniel Chéri Bibi au platine. Voilà, mais donc ça, c'est le prochain rendez-vous officiel pour la distro La Pinothèque. Et on vous fait plein de bisous et à très vite. Quoi de neuf, docteur ? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Distro La Pinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. C'est à l'écoute de la Distro La Pinothèque dans l'émission Tranche d'Anar sur Radio Air Libre. Tranche d'Anar, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la Distro La Pinothèque, c'est le dernier mercredi de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons